Lettre 47e. Calpurnie à Sulpici, Nicomédie, août 302. Je viens de passer la plus charmante des journées, ma chère amie. Mon cœur, enivré de plaisir, demande à s'ouvrir à l'amitié. Je veux qu'une soirée agréable suive un aussi beau jour, et j'ai fait apporter sur la terrasse, au-dessus de notre maison, tout ce qu'il me faut pour t'écrire. Elle est garnie d'orangers en fleurs. Je suis assise au milieu des parfums les plus délicieux, un air suave m'entoure. La mer s'étend au loin devant moi, réfléchissant dans ses ondes les faibles rayons du soleil, près de disparaître. Cet astre resplendissant brille encore, comme voulant prolonger pour moi l'heureuse journée qui vient de s'écouler. Il se cache peu à peu derrière les montagnes d'Europe, dont la hauteur gigantesque, le bleu foncé, les sommets couronnés de neige, contraste singulièrement avec la verdure des prairies et la couleur incertaine et changeante des ondes. Une multitude d'insectes voltige en bourdonnant autour de moi. Des moucherons aux ailes dorées se meuvent encore dans les derniers rayons du soleil ou se reposent voluptueusement dans le calice des fleurs. Nos voisins, assis comme moi sur leur terrasse, chantent les plaisirs de la journée et le bonheur de vivre sous le ciel de l'Asie. Le son des lyres se fait entendre de tous côtés. Souvent, il s'y joint une voix douce et mélodieuse. « Oh, ma Sulpici, pourquoi n'es-tu pas ici avec moi? Pourquoi mon amie ne jouit-elle pas du bien-être que j'éprouve, du bonheur de sa Calpurnie, de celui de la ville entière? Je veux te le raconter pour te faire au moins partager ainsi nos plaisirs. » Hier au soir, se répandit dans la ville le bruit d'une victoire mémorable. Cette nouvelle fut d'autant plus agréable que les esprits avaient été abattus par notre dernière défaite. On y croyait, mais non pas cependant sans crainte que ce ne fût un bruit prématuré, ayant été si souvent trompé par de fausses nouvelles. La joie fut d'autant plus vive lorsque ce matin, à l'aube du jour, on a proclamé dans toute la ville, par ordre de Dioclétien, les détails de la victoire qu'un tribun dépêché par César Galerius venait d'apporter de l'armée triomphante. Le tribun reçut l'ordre de paraître publiquement et de faire une entrée solennelle. Les rues se remplirent d'un monde incroyable, dont le bruit, semblable à celui des vagues de la mer, dans l'éloignement, me réjouissait. J'étais monté sur la terrasse d'où je t'écris, d'où j'eus le plaisir de voir le spectacle de cette marche, qui m'amusait sans m'inspirer un intérêt bien vif. Le bruit d'une musique guerrière et les cris de la multitude annonçaient l'approche du messager de la victoire. Tous criaient « Vive l'empereur! Vive César! Vive les braves défenseurs de la patrie !» Cette joie immodérée s'empara involontairement de mes esprits. Mon cœur battit avec plus de force. Des larmes mouillaient mes yeux en même temps que j'éprouvais un plaisir indicible. Je répétais aussi « Vive les défenseurs de la patrie! Vive notre armée victorieuse !» Voilà, pensais-je, comme le sentiment est épidémique. Je n'eus pas l'idée du pressentiment d'un bonheur qui me fut particulier. Le cortège avance. À la tête marchait un détachement de cavalerie armée et magnifiquement vêtu, ensuite un corps d'officiers de tout rang, au milieu desquels était le tribun décoré des marques de sa nouvelle dignité. J'avais entendu dire dans la foule que c'était un de ceux qui avaient le plus contribué à la victoire, et qu'il avait été nommé tribun sur le champ de bataille, ce qui me rendit plus attentive à le regarder. Je le vis de loin, sans distinguer autre chose qu'une figure très noble. Il rendait avec beaucoup de grâce à la multitude les saluts qu'il en recevait. Mais plus il s'approchait, plus j'étais ému, animé. Je crus apercevoir des traits bien connus. Je ne me trompais pas. Juge, Sulpici, de ma surprise et de ma joie, c'était Agathoclès. Lorsqu'il s'approcha de notre maison, il leva les yeux. Quel regard! Je retrouvai non seulement Agathoclès, mais notre ami de Rome. Son visage était coloré d'une belle rougeur, ses yeux étaient animés d'un sentiment d'orgueil, mais l'expression de son sourire et quelque chose dans toute sa personne, de naturel et de modeste, en adoucissait l'effet. Il me salua d'un air si content. Je répondis à son attention avec autant de plaisir que de vénération. Je me délectais à observer les regards et l'empressement de la foule qui le suivait avec des acclamations. Une heure après, mon père arriva. Il revenait du palais de l'empereur. Il avait été témoin de la réception gracieuse de Dioclétien et de la conduite noble et modeste de notre ami, et il m'annonça qu'il viendrait chez nous. À l'instant, il me vint à l'idée d'arranger une petite fête en l'honneur du héros du jour. Ainsi dit, ainsi fait. Je fis appeler mes femmes et les plus jeunes esclaves de mon père, je les instruisis. On me trouva aussi des enfants dont j'avais besoin pour des rôles d'amour. Je les fis costumer et répéter. Le grand salon du jardin fut arrangé d'après mon idée. Un léger bruit s'étant fait entendre avant le dîner, je courus à la fenêtre. C'était lui, dégagé de tout ce faste qui l'avait entouré. Il entrait chez nous avec un seul esclave, et à pied, mais suivi de tout le peuple qui l'avait reconnu et l'accompagnait jusqu'à notre porte. Ce fut là que mon père, mon frère et moi le reçurent avec une joie pure, mêlée de quelque chose de solennel. Il répondit à nos sentiments, à notre amitié. Il fut gai, causant, plein de vivacité. Oh, comme il serait aimable et dangereux s'il le voulait. Heureusement pour nous autres, pauvres créatures qui ne sommes pas une Larissa, qui n'arrive pas tous les jours comme messager de la victoire. Aussi, il n'y a rien à craindre, il ne sera pas toujours aussi séduisant. Je me retirai furtivement après le dîner, et lorsque j'eus tout arrangé, je le fis inviter avec mon père de se rendre dans le salon du jardin. Cette petite fête fut aussi une surprise pour mon père. Elle a si bien réussi que j'ai lieu de croire qu'ils furent contents. Lorsque je m'approchai d'Agathoclès pour orner son front d'une couronne, je le vis reculer involontairement. Un rouge vif colora ses joues. Il voulut retenir ma main qui tenait la couronne, mais je la retirai d'entre les siennes. Et tandis que mes esclaves dansaient autour de lui en l'enlaçant de chaînes de fleurs, je posai ma couronne sur sa tête. Couronné et tout à la fois flatté et honteux de l'être, il m'adressa des remerciements avec un son de voix et un regard qui me récompensèrent amplement de toutes mes peines. Nous allâmes ensuite au jardin. Mon père ayant été demandé, je restai seul avec Agathoclès. Il n'était pas sans embarras, et je ne te cache point que son trouble me faisait grand plaisir. Pour moi, j'ai conservé tout le jour toute ma présence d'esprit. Cela doit être ainsi, quoi qu'il puisse m'en coûter. Je ne veux pas perdre en un moment tout le fruit de mes peines et me retrouver avec lui dans la même situation où j'étais avant son arrivée. C'est à lui à présent de chercher à deviner mes sentiments. C'est à moi à les lui cacher de manière cependant à le mettre sur la voie. Et rien de plus. Si je veux parvenir à mon but, nous devons changer de rôle. Notre conversation fut d'abord froide et monotone en apparence. Mais jamais Agathoclès ne m'a dit autant de choses en me parlant que par son silence. Sur la fin, il s'anima davantage et, quoiqu'il n'eût pas dépassé les bornes de la simple amitié, je n'en suis pas moins très satisfaite du résultat de cette journée. Et je lui vis prendre congé de nous assez tranquillement lorsqu'il fut appelé chez Dioclétien. Mais il parut s'éloigner avec bien du regret. Voilà où nous en sommes. Je t'apporterai les détails de ma fête et même un dessin que j'en ai ébauché et que je finirai incessamment. Tu me verras arriver à Saint-Yom dès que les occupations de mon frère lui permettront de m'accompagner. Le soleil est couché depuis longtemps. À peine puis-je voir les caractères que je trace. Je finis donc en t'assurant de toute mon amitié.